Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie, d'une vie qui serait la nôtre, d'une vie qui serait la vie. Tant de fois je t'ai vu en larmes, tant de fois je t'ai vu heureuse. Le temps est là qui me désarme, et la mort un peu moins peureuse. Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi après m'avoir aidé à vivre, aidé à croire et à chanter? Sauras-tu m'éloigner du vide qui attend de l'autre côté? Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il? Que restera-t-il de moi? Que restera-t-il? Que restera-t-il? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi?